Chapitre 6e. Ce matin, grand beau temps qui va nous permettre de respirer un peu d'air pur. Tout le monde à la rivière où l'eau est si froide qu'elle m'a fait remonter les coucougnettes à la gorge. Vers 4 heures de l'après-midi, Fréjol vient nous rejoindre, son képi à la main. Il vient autant pour nous mettre au courant que pour admirer les trois femmes en maillot, spectacle ô combien agréable. Je remarque qu'il n'a Dieu en fait que pour Paula. Décidément, elle lui a tapé dans l'œil. Pendant 1 ou 2 minutes, il lui glisse d'ailleurs quelques mots en aparté. « Je crois que ma mère est en train de faire un malheur, » me murmure Gigi. Après m'avoir demandé une serviette pour ne pas salir son pantalon bleu marine, Louis s'assoit dessus entre Serge et moi. Cette fois, la morte est un peu plus parlante que la première. Évidemment, elle eut un rapport avant sa mort, mais on a retrouvé le slip nulle part, ce qui me fait dire qu'elle n'en avait pas, puisque d'après son mari, elle n'en mettait que quand elle avait ses règles. Le légiste ne pense pas qu'elle ait été violée. En revanche, il y a eu lutte avant le coup reçu sur la tête. Tu veux dire le coup de feuille de boucher ? Non, je dis bien le coup sur la tête. Laisse-moi continuer. Le corps porte des éraflures et ses poignets sont marqués d'ecchymoses. Elle a été assommée par un coup porté à l'arrière de la tête ou bien elle s'est cognée en tombant. Et c'est seulement après qu'on lui a fracassé le crâne avec la feuille par un coup porté de face. Ah eh ben ? Mais je suis sûr qu'elle n'a pas été tuée ou je l'ai trouvée. Non, en effet, le corps a voyagé une fois viandé, d'où les rigoles de sang. Mais quoi, à couche? Eh ben, d'abord, l'écriture sous la cuisse n'est pas la même que celle de Colette. Elle lui ressemble, mais ce n'est pas tout à fait la même. Les L sont différents. Là, on dirait que l'assassin s'est un peu plus appliqué à former ses lettres. Ensuite, à l'arrière du camion, sur le plancher, on a trouvé la trace d'un pneu de vélo qui a roulé dans le sang, sur juste 10 cm de long. Donc, d'un signe du menton, il nous demande de conclure en nous regardant tous les deux. « Donc, fait Serge, l'assassin a escagassé Denise. Il a chargé son vélo dans le fourgon, a pris le volant, a déplacé le corps à l'abri des regards et enfin s'est escapé en enfourchant sa bécane. Il a peut-être chargé le vélo d'abord. Oui, c'est possible, mais alors, il ne leur restait guère de place pour se foutre sur la gueule après. Louis, pas de traces sous les ongles de la morte, rien ? Non, sauf du pâté et des bouts de jambon. À part la trace du pneu, rien. Pendant un moment, nous restons muets à regarder le courant, perdu dans nos pensées, sauf Louis, qui échange de doux regards avec Paula. Il a les yeux tout tristes, comme un gamin privé de jeu ou de dessert. Aïe, aïe, aïe, quand il va pouvoir se rattraper. Oh, Louis, ça va ? Essuie-toi le menton, Fala, tu baves. Fous-moi la paix, couillon. Ça ne m'empêche pas de réfléchir. Je vais interroger les gens de Bréau pour voir s'ils n'ont rien remarqué ce jour-là. « Allez, c'est pas tout ça, mais je suis pas en vacances, moi. »« Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on a amené l'assassin dans nos bagages juste pour t'occuper un peu ?» Dédaignant de répondre, il se lève, remet son képi et nous plante là, au soleil, non sans avoir fait un discret signe de la main à Paula. Sur le coup de 6 heures, Serge et moi remontons toute notre petite famille à Molière. Pendant que les femmes ont s'occupé des enfants, Serge et moi redescendons au Bigan. Alors que mon pote va faire le tiercé et acheter les journaux du jour, je vais faire 2 ou 3 courses Super U à côté du Saint-Eusébie. Il n'y a qu'ici qu'on trouve des noms pareils. Remarquez, chez nous à Marseille, avec Saint-Tron, ce n'est pas mal non plus. À la caisse, ça bouchonne un peu. Les femmes qui sortent des usines ou celles qui se sont décidées à la dernière minute pour le repas du soir font la queue. Les mains encombrées, je prends ma place dans la file, l'air complètement suqué, chose que je sais bien faire. J'ouvre grand mes portugaises. Les 2 dames devant moi discutent à voix basse, avec un fort accent du coin, frère d'une autre, mais avec des intonations un peu plus chantantes. Tu vois, Jeannette, avec tout ce qui se passe, on ne se sent pas tranquille. Moi, j'ai peur, pas toi. Ben, c'est sûr qu'un meurtre, ça te fout déjà la trouille, mais 2, ça commence à faire beaucoup. Moi, j'ai dit à ma fille de ne plus s'habiller avec des jupes à ras bonbons et des tricots où on voit tous les nichons. On ne sait jamais, je lui ai dit, ça peut donner des idées. Oh, mais elle a compris, bah, parce qu'elle commence à avoir la trouille aussi. Moi, tu ne me sortiras pas de l'idée que ça doit être un des frappadingues de l'espérance. Il devrait commencer par les boucler à double tour. De toute façon, c'est un jobard qui commet ses crimes. Tu vois pas qu'il y en a encore un autre, dis. Moi, si ça continue, je descends avec ma fille à Montpellier, chez ma sœur. Remarque, le tueur, il ne s'est pas attaqué à n'importe qui, si tu vois ce que je veux dire. Parce que la Colette et la Denise, pardon, hein, Boudiou. Ce soir pour là, moi, je risque pas grand-chose, alors. Et moi non plus. Tu vois, des fois, ça peut avoir un bon côté d'être plate comme une planche. » Je ne vais pas vous relater toute la conversation, mais elle dénote une angoisse sourde et malgré le soleil, les deux meurtres plombent le moral des Viganaises. Je passerai sous silence les critiques relatives à l'incompétence de le maréchaussée et de l'encadrement médical du centre L'Espérance, sans parler de tous ces Indiens qui fument n'importe quoi et vivent au crochet de l'autochtone. Apparemment, les mœurs des deux victimes étaient connues de beaucoup de femmes. Leur cœur balance entre la pitié et la satisfaction jalouse d'un juste châtiment. Avant de remonter à Molière, Serge et moi décidons de nous taper l'apéro dans un bar sur le quai. Nous lisons ensemble la page locale du Midi Libre. Le Vigan. Alors que la gendarmerie enquête toujours sur le premier meurtre de Colette D, un deuxième crime odieux vient d'ensanglanter une nouvelle fois la bourgade. La population vit désormais dans un état de psychose. Toute personne susceptible de fournir des renseignements doit s'adresser d'urgence à la gendarmerie. À la table derrière nous, deux copains, la cinquantaine bien sonnée, font la causette en sirotant leur jaune. Quand je prends conscience qu'ils parlent des crimes, je bascule ma chaise vers l'arrière au risque de me casser la gueule afin de ne pas perdre une miette de leur conversation. C'est ce qu'on appelle l'immersion dans le milieu local. T'as regardé les actualités régionales hier à la télé? Ils ont parlé des crimes. Ils n'en ont pas dit grand-chose, hein? De toute façon, nous, on n'a pas besoin qu'ils disent leurs noms puisqu'on les connaît. C'est peut-être le parquet qui leur interdit de donner les noms des femmes. Ouais, possible. On sait très bien pourquoi elles sont mortes. Elles avaient beau avoir la cuisse légère, ce n'était pas une raison pour leur casser la tête, d'autant que c'était des braves filles. Moi, je suis sorti avec Dionyse, il y a longtemps. Elle n'était pas farouche, la pauvre, mais gentille comme tout, le cœur sur la main. Ça me fait de la peine, tu vois? Et con, il faudrait qu'ils attrapent ce malade. Apparemment, ils s'attaquent à celles qui ont le cul chaud. Serge et moi sommes immobiles comme des gobies plongés dans notre journal, mais les escourdes largement ouvertes. De leur conversation, comme celle des femmes de Super U, il ressort que l'attrait du mystère et du frisson ne tente plus personne, l'horreur l'ayant remplacé. Les deux gars se félicitent que la presse écrite ou télévisée soit très laconique sur cette affaire. Leurs ancêtres huguenots ont transmis aux habitants du Vigan les vertus de la prudence et le goût du silence. Ici, on sait jalousement garder les secrets de famille. Il doit en être de même au niveau de la commune. Le maire et le sous-préfet s'y emploient d'ailleurs avec beaucoup d'ardeur. Le Vigan est une bourgade tranquille, aux citoyens policiers et travailleurs. Il est hors de question qu'elle perde sa réputation à cause d'un jobard, peut-être échappé de l'asile. Par ailleurs, nous en apprenons un peu plus sur Denise grâce aux confidences de l'un des deux gars. Je vous en relate ici le principal. Il a fallu peu de temps à Denise Verme pour faire le tour du mariage. Dès le début, Norbert, son époux, l'a prise systématiquement en levrette, seule position que des millénaires biologiques attestent comme la bonne, du moins chez les mammifères. D'ailleurs, pour Norbert, il n'y avait qu'à regarder les chevaux, les taureaux, les porcs qui s'y prennent pas autrement. C'est la nature qui veut ça. Seulement, Denise avait cette position en horreur. Elle, c'était une cavalière qui enfourchait sa monture pour entamer de longues chevauchées jusqu'à ce que son bas-ventre fût rassasié. Pour cela, il fallait des destriers vigoureux, endurants et aux ordres de l'écuyère. Elle n'a eu que 3 amants et ce depuis le lycée. Chacun d'eux connaissait les deux autres. À tous les 4, ils constituaient un club fermé et jaloux de leur activité. Silence et discrétion assurée. Cela permettait à Denise de toujours trouver une monture fraîche et disponible. Les rencontres se faisaient dans le camion qui tressautait quelquefois au bord d'un chemin, entre le jambon d'Aoste et les caillettes aux foies de volaille. Il n'est pas impossible qu'un chasseur ou un chercheur de champignons se soit un jour douté de quelque chose, mais l'irascible mari ne fut jamais au courant, ou alors il faisait la bête pourvu qu'il y ait levrette. Le couple n'a pas eu d'enfant, et il est presque certain que la faute en incombait à Denise, bien heureusement d'ailleurs, sinon l'armée de lardons procréés aurait bouffé le fonds de commerce. Pour les deux gars, il est hors de question que l'assassin soit un mec du coin, ou c'est un frappadingue de l'Espérance qui a pété le compteur complet et pas seulement un fusible, ou c'est un peace and love bourré de hakik et de keravi. L'être nuisible, bien forcément, d'ailleurs, c'est logique, ça permet de continuer à vivre ensemble dans le respect des traditions. Ils en sont 5e pastaga au moins, dose à partir de laquelle, soit on est enclin à la tolérance, soit on bascule dans le patriotisme et le régionalisme le plus obtus. Vers 7h30, nous en savons assez et remontons à Molière, où je sais que nous allons nous faire engueuler, ma petite Lisa ayant dû se passer de son jambon. pour éviter un gros orage matrimonial, je suis obligé de faire diversion. Justement, Maud la rapède est là, riant à gorge déployée avec Paula. C'est la première fois que je la vois comme ça, montrant toutes ses belles petites dents blanches. Je vais la brancher un peu. Alors Maud, t'as l'air en forme ce soir? Oh oui, ça va mieux. Et à quoi est dû ce mieux? Le psy m'a changé mes médicaments. Je me sens moins angoissé, j'ai moins peur. Bien, tu vas m'aider à mettre la table. Une fois dehors, alors que nous ne sommes plus que tous les deux, je lui glisse. T'as peur de quoi? J'ai peur des hommes. Et moi, je te fais peur? Oui, enfin, avec toi, c'est de moi que j'ai peur. Tu ne peux pas comprendre. Si, je crois que j'ai compris. Et si tu faisais comme si j'étais une femme? T'es un peu con des fois. Non, il faut laisser faire les médicaments. Je suis bien soigné, tu sais. À ce moment, je remarque un vélo appuyé contre le mur près de la porte. T'es venu en vélo? Ouais, je l'ai emprunté au centre. Mais ici, c'est la galère, le vélo. Ça monte partout et je le pousse plus souvent que ce que j'ai le cul sur la selle. À la descente, ça va. Quelquefois, elle me fait charrier, mais je fais gaffe. Et là-dessus, elle me montre son bout de tuyau passé dans la ceinture. « J'ai mon ange gardien, » fait-elle en riant. Un brûle-pourpoint, je lui demande. « Est-ce que tu as un survêtement bleu clair ?»« Ma foi, peut-être, je sais plus. Il faudra que je regarde. »« Et qu'est-ce que ça peut te faire ?»« Rien, rien, je pensais à quelque chose. » Pendant qu'elle est dans la cuisine, j'ouvre le capot de ma Mehari, tire la jauge et m'enduis le doigt d'huile noire. Puis je frotte ce doigt sur le pneu du vélo et plaque par-dessus une serviette en papier. Bingo! L'empreinte est suffisante pour pouvoir faire une comparaison. Je fais disparaître le papier soigneusement plié dans ma poche. Qu'est-ce que tu as fait? Me demande Gigi en reniflant l'odeur de l'huile de vidange. Rien, j'avais un petit problème à la Mehari. Et tu crois que c'est le moment de faire de la mécanique? Allez, lave-toi les mains et continue de mettre la table. Et puis arrête tes apartés avec Maud, ok? Ah, au fait, ta fille te remercie pour le jambon. Quel bon père tu fais. Ouh là là, ce soir c'est soupe à la grimace et hôtel du cul tourné. Enfin, tant pis. Alors que nous terminons notre repas, après le départ de Maud, Louis apparaît sans qu'on l'ait entendu venir. Sans se gêner, il salue d'abord Paula en déposant un baiser sur ses cheveux, puis... Après avoir baisé Gigi et Sylvia, il nous serre la pince. Il se laisse enfin tomber sur une chaise avec un grand soupir. Heureusement que vous êtes là, je me sens un peu moins seul. Parce qu'à ce moment, pour garder les morales, c'est pas gagné. Le proc et le juge me tarabustent sans arrêt, comme si j'allais sortir l'assassin d'un chapeau, comme ça, par magie. Ce soir, j'ai dû faire quelque chose qui m'a coûté, je vous assure. Allez, raconte. J'ai mis Michel en garde à vue. Michel, vous rendez compte? Il me le pardonnera jamais. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On a interrogé les gens de Bréau. Le seul utilisateur de deux roues qu'ils aient vu le jour du crime, c'est Michel. Il est venu travailler chez la veuve Montserrat, rue de l'Enclos. Des témoins l'ont vu repartir, place de la mairie, justement à l'heure présumée du meurtre, tout de suite après Denise. Et qu'est-ce qu'il dit, Michel? Il a confirmé cet emploi du temps, mais il a dit qu'il est rentré directement chez lui avant l'orage, au-dessus d'Olas. Il a donné à manger à ses poules et ses lapins, mais personne ne peut confirmer ses dires, encore moins les poules ou les lapins. Le juge m'a conseillé de le faire mariner un peu. « Tu parles? Je n'en sortirai rien, même s'il a commis le crime. C'est un dur, le Michel. » Le sous-préfet m'a dit « Il faut prouver à la population que l'enquête avance. Il faut des actes, Fréjole. » Sérieusement, tu crois vraiment que Michel était mettre son vélo moteur dans le fourgon? Tu le vois faire joujou avec un tampon? Mais bien sûr que non! Et les pneus de sa bécane, tu les as contrôlés? Ouais. C'est un peu le même type de pneus que ceux des traces, mais la taille n'y est pas. Les sculptures de ceux de Michel sont un poil plus grandes. Je lui tends la serviette en papier. Tiens, tu compareras avec celle-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse, je t'expliquerai plus tard. Dis, tu te souviens du témoignage du maçon qui avait chargé une femme avec son vélo sur la route de Montardier? Ouais. Eh ben, pourquoi ce serait pas une femme à vélo, l'assassin? Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais il me faut un mobile, avant toute chose. Alors ce serait une femme jalouse au point d'assassiner sauvagement? Ou une jobarde complète? D'accord, mais moi, je veux de vrais indices, et après les indices, des preuves ou des aveux. Tu le comprends ça, Macarel? Tu réfléchiras à ce que je t'ai dit, Louis? Bien sûr que je réfléchirai, mais maintenant, j'ai besoin de détente et de repos. J'arrive, Louis, fait Paula, un petit sac de voyage à la main. Les enfants, je vous dis à demain, et passez une bonne nuit. Gigi, qui mangeait un yaourt, reste la cuillère en suspens à 5 cm de la bouche, puis elle la replonge violemment dans le pot, éclaboussant son tricot. Fan de pied, je le crois pas, mais elle est gonflée tout de même. Vous avez vu comme elle s'est desbignée. » Sylvia se croit obligée de la rappeler à l'ordre. « Dis, Gigi, tu sembles oublier que c'est elle la mère et toi la fille. N'inverse pas les rôles. »« Ce n'est pas une question de mère ou de fille. Tu l'auras fait toi, ce coup-là. » »« Mais laisse-la, » fait Serge. « Elle profite de la vie avant qu'elle ne puisse plus le faire. Elle jette ses derniers feux, comme dirait le poète. » « Je t'en foutrais, moi, des feux. Le feu au cul, oui. C'est ça qu'elle a. » « Il faut que j'intervienne, sinon elle va se monter comme un aïoli. »« Est-ce que par hasard, tu ne serais pas jalouse de ta mère ?» Gigi baisse les yeux et semble réfléchir. « Non, pas du tout. Je ne veux pas qu'elle fasse des conneries. Je m'inquiète pour elle, c'est tout. »« Moi, je crois plutôt que tu la veux pour toi toute seule. »« Mais non, qu'est-ce que c'est que cette rengatte ?»« Et pourtant, tu sais que j'ai raison. » Mais avec Louis, je crois que c'est plus sérieux que tu ne le penses. Mais attends, il est plus jeune qu'elle tout de même. Il a seulement 4 ans de moins. Tu crois que ça les empêche d'être heureux? Non, bien sûr. Et là-dessus, Gigi se lève, un peu triste, et va farfouiller dans la cuisine en faisant beaucoup de bruit avec les casseroles. Je m'approche par derrière et lui pique un petit bisou dans le cou. Je m'aperçois alors qu'une larme roule sur sa joue. Je la serre aussitôt dans mes bras, malgré sa résistance. Je t'ai fait de la peine. Pardonne-moi. « Non, ça va. Mais j'aime quand même, tu le comprends, ça ? J'ai l'impression que ma mère me fuit, que je lui pèse, que je la gonfle. Tu sais, j'avais un peu cette impression-là quand j'étais gosse. Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Après tous les sacrifices qu'elle a fait pour toi, elle aurait pu se remarier 100 fois si elle l'avait voulu. Mais elle a voulu rester disponible pour toi, pour t'aider, aussi bien de son temps qu'avec son argent. Ne sois pas injuste. »